Lost My Imagination sur RTL 8h40. C'est l'heure de la banque RTL 2. Excusez-moi, je rigole parce que d'un coup, vous avez tous fait une tête dans ce studio. Si vous nous voyez sur RTL2.fr, j'ai eu l'impression que j'avais dit une énorme bêtise, mais pas du tout. Vous avez juste fait une tête parce que vous êtes concentrés, Jonathan et Max. Ah oui, tout à fait, tout à fait, bien sûr. J'avais dit une bêtise terrible. Ah non, bon, jamais. Tout va bien, rarement. Bonjour Isabelle. Bonjour Grégory. Comment ça va? Eh ben, je suis super contente d'être avec vous. Ben je suis vraiment contente. Moi, je suis très, très heureuse. Et Justine aurait été là. Elle aurait été heureuse aussi de vous rencontrer, vous savez, Isabelle. Oui. Une pensée pour toi, Justine. Petit ange qui reviendra lundi, évidemment, on précise. 6h-9h, le retour de Justine Salmon. Peut-être qu'on en fera un jingle, les gars, non? Un truc film d'aventure. Ah ben oui. Le retour de Justine Salmon. She's back. Ouais. Isabelle, vous avez deux enfants, vous êtes assistante commerciale. Et alors, je vois que vous faites de la salsa. Oui, je fais la salsa avec mon frère. Ah ouais, c'est une histoire de famille en fait la salsa. Bah, je le force un peu, hein. Je lui ai fait un caprice et il a pas pu me dire non. Ah c'est bien, et ça c'est un bon frère, il est vraiment sympa lui. Vous êtes gentil. À Saint-Didier-de-la-Tour, c'est entre Chambéry et Lyon. Oui, c'est un petit village. Et ce matin, vous avez envie de gagner jusqu'à 10 000 euros. Des séjours en famille, des smartphones, des MacBook Air. Attention au coffre vide. Vous n'avez qu'une minute pour jouer. Top chrono. Coffre. Un pack PS4 et le jeu Spider-Man. Eh, super cadeau pour la famille. Un pack PS4 à quelques encablures de Noël. Bon, bah allez, je passe. Je vais tenter autre chose. Ah, j'ai cru qu'il allait dire bon, bah allez, bah, ça fera plaisir à mes enfants. Bon, bah allez, ça dégage. Coffre 2. Un chewing-gum. Oh, bah je passe. Oui, je passe. Coffre 3. Je compte usé en plus. 800 euros. Waouh. Première hésitation dans ce coffre. 30 secondes, 800 allez, euros cash. Après. Je tente, après. On laisse tomber le cash? Ouais, allez, coffre je tente, 4. On sait jamais. Un MacBook Air. Le MacBook Air. Merci. Ça fait plaisir de vous entendre aussi heureuse. Ah, je suis trop contente, c'est génial. MacBook Air, c'est franchement, je suis trop contente. Vous avez pris le risque de laisser tomber les 800 euros pour aller gagner un MacBook Air de 1300 euros. Je peux vous dire que quand je vois la tête de Jérémy, mon réalisateur, il les aurait pris, lui, les sous-sois. Oui, sûrement. Oui, j'ai hésité, j'avoue, j'ai hésité, mais je me suis dit, allez, autant, de toute manière. Bien joué. Bien joué, bien joué. Qu'est-ce qu'il y avait dans le coffre suivant? Oh, eh ben, bien joué, ça se termine bien cette semaine. Je vous en prie avec un grand plaisir. Je vous embrasse très fort, Isabelle. Profitez bien de ce MacBook Air qui part chez vous. Une seule question, qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL2? Eh ben, un double expresso. The second someone mentioned you are all alone, I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know it's got a hold. Just a phone call left unanswered had me sparking now. These cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go. Keep a hold. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel like grace, cause we've all made mistakes. If you've lost your way, yeah, I'll leave the light on. What's been on your mind? Lately you've been searching for a darker place to hide. That's alright. But if you carry on abusing, you'll be robbed from us. I refuse to lose another friend to drugs. Just come home. Don't let go. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, cause we've all made mistakes. If you've lost your way, I'll leave the light on.